Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. La pyramide du Louvre a enfin vu le jour après des années de polémiques. Les 666 losanges de verre plantés dans la cour carrée du Louvre intriguent encore, mais en tout cas affrontent les regards des visiteurs de plus en plus nombreux. Je suis de ceux qui croient qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Fallait-il une pyramide au Louvre ? L'intention de François Mitterrand de déménager le ministère des Finances et de dédier l'ensemble du palais aux collections du musée avait déjà fait polémique. Mais François Mitterrand voyait grand. Débarrasser les voitures qui encombraient la cour et quelques statues, il voulait une entrée marquante et fit appel à Yan Ming Pei qui inventa cette pyramide de verre, geste totalement incongru, au cœur des bâtiments du palais. Ce fut un tollé. Pétitions, polémiques, protestations, la bataille fit rage. Merci mes amis ! La pyramide est aujourd'hui reconnue, admirée, et symbolise la continuité du pouvoir de Philippe Auguste à Emmanuel Macron, qui choisit ce site pour faire son entrée dans l'histoire de France. La pyramide de verre présentée précisément comme fond de décor lors de son discours à ses partisans le soir de son élection. Vous l'avez emporté ! La France l'a emporté ! Je me souviens avoir souvent entendu François Mitterrand expliquer que l'architecture et le pouvoir sont indissociablement liés. Le pouvoir religieux, même si c'est celui de Dieu, s'est illustré avec les cathédrales, les abbayes, les églises, celui des rois avec les châteaux, les forteresses, les palais, les jardins, l'ordre du monde et la puissance de Dieu et des souverains incrustés dans la pierre et les plantes. Symbole de pouvoir. Les temps ont changé. Dans un régime démocratique et républicain, il serait malvenu de faire édifier de nouveaux palais pour nos présidents. Les sièges sociaux éblouissants sont réservés désormais aux entreprises et aux banques, nouveaux maîtres des temps. Il reste la culture. Champ d'action tout trouvé pour nos présidents, attachés à laisser une marque de leur septennat ou de leur quinquennat. De Gaulle n'en eut pas besoin tant il incarnait à lui seul la France. Son nom suffisait à sa gloire. Pompidou, qui aimait passionnément l'art et la poésie, innova en faisant construire un musée d'art contemporain qui manquait à Paris et fit appel à deux architectes audacieux, Renzo Piano et Richard Rogers, pour imaginer ce bâtiment fait de gros tuyaux rouges, bleus ou verts en plein centre de la capitale. Scandale, évidemment. Il ajoute au musée une bibliothèque publique d'information, la BPI, un centre de recherche sur la musique contemporaine, l'IRCAM, et un centre de création industrielle, le CCI. La multidisciplinarité, voilà l'idée de cette politique culturelle. 40 ans après, c'est un énorme succès. Giscard d'Estaing, président suivant, se contenta de décider la transformation de la gare d'Orsay en musée du XIXe siècle. Belle et courageuse décision qui compléta celle de son prédécesseur. François Mitterrand voulait encore plus. La pyramide du Louvre, mais aussi l'Opéra, l'Arche de la Défense, la grande bibliothèque de la BNF qui porte son nom. Il parsema Paris de grands monuments. Quant à Jacques Chirac, sa passion pour les arts premiers le conduisit à faire construire le musée du Quai Branly par Jean Nouvel, auteur également de l'Institut du Monde Arabe. Aujourd'hui, ce sont les grands groupes industriels de luxe, surtout, qui semblent avoir pris la relève des présidents de la République. Bernard Arnault et sa fondation Louis Vuitton, construite par Franck Guéry, et bientôt François Pinault à la Bourse du Commerce. Signe d'un transfert du pouvoir du public vers le privé et de l'emprise économique sur la culture, l'architecture a besoin de points d'appui pour créer des chefs-d'œuvre. Celles de notre temps les cherchent. En France, entre l'État qui se désengage et les grands groupes qui cherchent à imposer leur puissance pour le pouvoir, une sourde lutte, incertaine, est engagée, dont l'architecture est le témoin et la culture le prétexte. Signe des temps. Thank you.